Mais tout ça arrive. Un peu avec l'enfer. Sache qu'on est tous un peu dans ce cas-là. Oui, un peu dans ce cas-là. Un peu avec l'enfer. Et bien réel. Et tout ça, sache les illusions sont bien réelles. Et rime un peu avec l'enfer. L'enfer est bien réel.